Vous êtes confortablement installé, disponible. Nous allons pouvoir commencer ensemble cette détente. Alors les décibels augmentent, vous servir aussi faire ce aussi tout bien. Du bas, je suis sévère, double même tout. Je me présente pas, je commence comme ça et toi tu dis c'est qui suis là. La tête toi, mes phrases, mes faces, t'as pas besoin de connaître ton place. Le showbiz me place, je rappe sur classique, le funk ou jazz. J'écris, je décris afin d'éviter les pleurs et les cris. Je présente Nantes, c'est ça, N-A-N-T-E-S. Je présente aussi tous les gens en détresse. No one ou DS, le son me décompresse. Mais vite décompresse, dès qu'on se presse, ça composé avec vitesse, finesse, c'est pas de fitness. C'est plutôt de bien fat, bien lourd, tant pis pour ceux qui se battent dans la cour. Je kiffe pas l'état, les Kaira. Qu'est-ce qu'il y a qu'avec ce crew, y'a que des soldats. Mais pour le combat, des discours sur la Kaira. Le bis, franchement, je m'en bats les couilles, je suis là. Pour mettre des douilles, ça c'est pour la masse populaire. Pour ceux qui ont trop souffert, écrire, tchatcher, composer, ça on a souffert. Tes premiers textes c'était la guerre, foutre la merde dans leurs affaires. Que le message les éclaire comme l'éclair et la lumière. Tu sais pas qui je suis et ça te vénère. Alors ok, je me présente, mon nom c'est Bobby Six, Carrie double LR. Je débarque sous pizza verte, W pour vous servir au stylo, serre le poing en l'air, rien à foutre de quoi j'ai l'air. Je suis là, sur le mic pour vider mon sac à dos, sans j'allais dans les métaux, les liens reculés, vont taper les mots, ils font tourner, te grattant le dos. Allons un peu de sérieux, mesdames et messieurs, morceau chronique n'est pas coma. Je me tourne juste dans la place, fuck les clichés, c'est passe. Chez nous, pas de menteurs, pas de vantards, ce qui soit notre étendard. Entendu, pour que ça croise du trou du cul. Chaque thème, chaque texte sont tirés de notre vécu, en veux-tu, en voilà. Rien de magique, on se rend propos déjà, morceau chronique, tu vois. Veut défendre ses droits, en duo, en solo, mais pas en disant n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on est à deuxième ton. Pour tous ceux qui nous dans la tombe, on revient remonter le ton. Trop de temps s'est écoulé, trop de choses à dire, accumuler. Trop d'événements à dénoncer pour renoncer à s'exprimer.